comment les paysans du XVIIe siècle administraient leur village. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine. Et en effet, ils sont des hommes. Ce fameux extrait des caractères de la Bruyère est souvent présenté comme une critique des injustices sociales sous le règne de Louis XIV. C'est vrai, mais cette vision du monde paysan illustre aussi les préjugés des élites de la cour de Versailles à l'égard des milieux populaires. La misère des campagnes, aggravée par de terribles épisodes de famine, ne doit pas faire oublier que les animaux farouches décrits par la Bruyère étaient en réalité des hommes dignes et capables de délibérer sur leurs propres affaires. Dans son étude sur les registres dits de consentement, Antoine Follin a montré que l'un des enjeux majeurs auxquels étaient confrontés les paysans du XVIIe siècle concernait le montant et la répartition de l'impôt royal qu'on appelait la taille. En Normandie, il n'était pas rare que les villageois se réunissent jusqu'à 8 ou 9 fois dans l'année pour régler ces questions fiscales. Chacune de ces assemblées se terminait par la rédaction d'un ou de plusieurs procès-verbaux. L'étude de ces documents montre le fort degré d'autonomie dont disposaient alors les communautés rurales. Il arrivait même que les villageois tiennent leur curé à l'écart pendant les délibérations et qu'ils fassent appel à lui uniquement pour consigner leurs résultats par écrit. La force des liens communautaires ne signifie pas pour autant que ces assemblées étaient démocratiques. Les procès-verbaux montrent que les paysans qui y participaient ne représentaient qu'une minorité des villageois. Les femmes jouaient un rôle important dans les manifestations collectives et religieuses, mais pas dans la vie politique locale. Elles en étaient exclues en raison de leur sexe et aussi parce qu'elles étaient dépendantes de leur époux sur le plan économique. Pour pouvoir délibérer, il fallait en effet être indépendant et responsable, ce qui excluait également les hommes qui étaient au service des villageois propriétaires. Tous les paysans indépendants qui participaient à ces assemblées n'étaient pas à égalité. Elles étaient dominées par les plus riches, les notables, qui connaissaient bien le droit et qui entretenaient des relations avec les officiers des administrations fiscales. Pour être sûr que les impôts consentis par les communautés rurales soient acquittés, les autorités exigeaient souvent que le nom des principaux paroissiens soit mentionné dans les procès-verbaux. C'était la garantie qu'ils avaient bien participé à la délibération et qu'ils s'étaient engagés à soutenir les décisions prises par l'Assemblée. En cas d'hésitation ou de divergence lors de ces réunions, ce sont les chefs de famille les plus puissants qui prenaient les décisions, même si dans les procès-verbaux, il était écrit qu'elles avaient été adoptées à l'unanimité.